Leçon 5. Activités 2 et 3. Page 42. Piste 32. Tu sais, ma grande sœur a un nouveau téléphone pour son anniversaire. Ah bon? C'est quoi comme modèle? Un modèle tout neuf, avec un grand écran. Et tu peux utiliser son téléphone? Oui, seulement quand je finis mes devoirs, je peux surfer sur Internet et envoyer des messages. Chouette. On peut rester super connectés.